leurs deux silhouettes, se détachaient bien nettes, semblaient seules au milieu de l'horizon, prenaient dans ce large espace de ciel, de mer, de falaise, quelque chose de grand et de symbolique. Pierre les regardait, et un rire sec sortit brusquement de ses lèvres. Sans se tourner vers lui, Madame Roland lui dit « Qu'est-ce que tu as donc ?» Il ricanait toujours. « Je m'instruis, j'apprends comment se préparer à être cocu. » Elle eut un sursaut de colère, de révolte, choquée du mot, exaspérée de ce qu'elle croyait comprendre. « Pour qui dis-tu ça ?»« Pour Jean, parbleu. C'est très comique de les voir ainsi. » Elle murmura d'une voix basse, tremblant d'émotion. « Oh, Pierre, que tu es cruel. Cette femme est la droiture même. Ton frère ne pouvait trouver mieux. » Il se mit à rire tout à fait, d'un rire voulu et saccadé. « La droiture même. Toutes les femmes sont leur droiture même. Et tous leurs maris sont cocus. » Sans répondre, elle se leva, descendit vivement la pente de galets et, au risque de glisser, de tomber dans les trous cachés sous les herbes, de se casser la jambe ou le bras, elle s'en alla, courant presque, marchant à travers les mares, sans voir, tout droit devant elle, vers son autre fils. À la voyant approcher, Jean lui cria « Eh bien, maman, tu décides !» Sans répondre, elle lui saisit le bras comme pour lui dire « Sauve-moi, défends-moi » Il vit son trouble et très surpris. « Comme tu es pâle, qu'est-ce que tu as ?» Elle balbutia. « J'ai failli tomber. J'ai eu peur sur ces rochers. » Jean apprend alors à sa mère. « J'ai dit à Madame Rosémilie que je désirais l'épouser. » Elle ne répondit rien, ayant la tête bourdonnante, l'esprit en détresse, au point de ne plus comprendre qu'à peine. Elle répéta. « L'épouser ? Oui, ai-je bien fait ? Elle est charmante, n'est-ce pas ? Oui, charmante. « Tu as bien fait. Alors, tu m'approuves ?»« Oui, je t'approuve. »« Comme tu dis ça drôlement, on croirait que tu n'es pas contente. »« Mais oui, je suis contente. Bien vrai, bien vrai. » Et pour le lui prouver, elle le saisit à plein bras et l'embrassa à plein visage par grand baiser de mère. Puis, quand elle se fut essuyé les yeux, où des larmes étaient venues, elle aperçut là-bas sur la plage un corps étendu sur le ventre comme un cadavre, la figure dans le galet. C'était l'autre, Pierre, qui songeait, désespéré. Alors, elle amena son petit Jean plus loin encore, tout près du flot. Ils parlèrent longtemps de ce mariage où se rattachait son cœur. La mer montant, les chassa vers les pêcheurs qu'ils rejoignirent, puis tout le monde regagna la côte. On réveilla Pierre, qui feignait de dormir. Et le dîner fut très long, arrosé de beaucoup de vin.